Allah dit « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ » Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère, d'accomplir la salat et de s'acquitter la zakat. Telle est la religion juste. C'est ce qui leur a été ordonné dans toutes les législations et par tous les prophètes et messagers, d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et de ne vouloir avec leurs adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les adorations apparentes ou cachées. Hunafa. Hunafa, c'est-à-dire en s'écartant de toute chose qui s'oppose au pur monothéisme. Et Allah a spécifié parmi les adorations la salat et la zakat, malgré qu'elles rentrent dans le culte exclusif qui doit être réservé à Allah pour montrer leur mérite et leur statut élevé dans la législation de l'islam. Et que celui qui accomplit ces deux adorations comme il faut, c'est sûr qu'il va accomplir le reste des adorations également à la perfection. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il disait, si tu veux voir le statut de l'islam dans ton cœur, regarde l'importance que t'accordes à la salat. Donc celui qui fait salat et qui donne zakat et qui accorde toute l'importance à ces deux adorations, sans aucun doute, celui-là, il va pratiquer correctement le reste des législations de l'islam. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté également de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, comme l'a rapporté l'imam Malik dans le Muwatta, que la chose la plus importante de votre religion, c'est-à-dire dans les adorations pratiques, c'est la salat. Celui qui la néglige, il sera encore plus négligent des restes des législations. Et celui qui la pratique correctement, il va encore être plus veillant sur le reste des législations de l'islam. Et Allah a décrit le culte exclusif qui lui doit être réservé, il l'a décrit par Dinul Qayyima, la religion juste, la religion de la droiture qui mène vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas une autre voie qui mène vers le paradis que celle-là. La voie de Tawhid et de l'adoration d'Allah seul. Et toutes les autres voies mènent en enfer, wal'iyadu billah.